Combien de jeunes et de moins jeunes sont sous la main du diable, il les détruit et ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et ont besoin de rencontrer celui qui sauve, celui qui délivre. Alors ce soir, vous êtes là et vous recevez aussi, et on est là plusieurs aussi, on va pouvoir prier pour vous, pour qu'on puisse recevoir. Mais c'est aussi pour que vous puissiez donner. Combien de camarades vous connaissez dans votre classe, ou dans vos voisins, ou dans votre famille, ou des amis, qui sont comme peut-être était Charles Ellie, tout va bien, c'est la fête, mais à l'intérieur, il y a des ténèbres. Et si nous, on ne vient pas pour leur parler de Jésus, et puis pour aussi être un canal de l'amour de Dieu et la puissance de Dieu, où est-ce qu'ils vont trouver une solution? Où est-ce qu'ils vont trouver le salut? Alors c'est un peu ironique, ce soir à Alès, il y a un événement, ça s'appelle Zombie Apocalypse Z. C'est en train de se faire maintenant où on parle. C'est un jeu grandeur nature avec plus de 400-500 participants sur le thème des zombies. Et donc on va avoir plus de 150 personnes qui vont courir dans les rues d'Alès maquillées, habillées en zombies avec un jeu de rôle grandeur nature. C'est maintenant en train de se passer. Je trouve que c'est assez ironique alors qu'on est en train justement de parler de la délivrance et des réalités spirituelles. Parce qu'en fait, le zombie, c'est quoi? C'est il y a quelque chose qui vient, qui envahit le corps, qui rentre dans le corps, qui te contamine et qui te change. Et qui après te force à faire des choses que tu ne voudrais pas faire, à faire le mal. Et tu contamines les autres. Je ne peux pas penser à de plus parfaite métaphore de l'activité des démons. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, mais c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et c'est ce qui a pu passer aussi peut-être dans nos vies personnelles. Alors ce soir, moi je suis là pour annoncer que Jésus est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable et délivrer tous ceux qui souffrent sous son emprise. Pour cela, il faut venir à Jésus. Alors Jésus n'est plus là physiquement, il est retourné auprès du Père. Mais son esprit est là et il continue de guérir, de délivrer, de pardonner, de sauver par son esprit à travers ses disciples. C'est-à-dire ceux qui croient en lui et qui le suivent, qui annoncent son message et qui lui obéissent pour chasser les démons et guérir les malades. Paul était devenu disciple de Jésus et il raconte comment Jésus l'a choisi pour le servir. Jésus lui a apparu alors qu'il était sur la route, chemin de Damas, peut-être vous avez lu ce passage, il est à cheval et Jésus lui apparaît. Et quand Paul raconte, il dit ce que Jésus lui a dit à ce moment-là. On le lit dans le livre des Actes, chapitre 26, versets 17 et 18, c'est Jésus qui parle à Paul. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Voilà ce que Jésus veut faire dans chacune de nos vies, nous ouvrir les yeux. Ça implique que nos yeux sont incapables de voir sans que Jésus vienne les ouvrir. On croit que tout va bien, un peu comme Charles Elie avant, comme tant de gens, même parfois nous-mêmes chrétiens, et on a besoin que Jésus nous ouvre les yeux. Pour voir quoi? Pour voir qu'on est dans les ténèbres, qu'on est encore sous la puissance de Satan. C'est pour ça qu'il dit dans la suite du verset, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Voilà ce que Jésus veut faire dans nos vies. Et ensuite, pour nous donner le pardon pour tous nos péchés. Et nous donner un héritage et une espérance avec tout ce qu'il a sauvé, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors comment est-ce possible? Alors du côté de Dieu, il a déjà pourvu pour que ce soit possible. Jésus est venu, il a vécu une vie sans jamais pécher, et il a donné sa vie à notre place pour payer le prix de tous nos péchés. Et il est mort sur la croix. Son sang a coulé pour que nous puissions être pardonnés. Et parce que notre dette est payée par le sang de Jésus, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Alors de notre côté, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Dans la suite du verset, Paul y dit, verset 20, « J'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Ce qu'il nous faut faire, c'est croire en Jésus et se repentir. Il nous faut changer de territoire. Si j'avais de quoi dessiner, je ferais le schéma de deux territoires avec une frontière qui sépare les deux. D'un côté, le territoire des ténèbres, où c'est Satan qui règne. Et de l'autre côté, le territoire de Dieu, où c'est le règne de Dieu, le royaume de Dieu, où c'est Jésus qui règne. Et l'homme, parce qu'il naît dans le péché, par défaut, il est dans le territoire du diable. Il est sous l'influence du diable, il est sous le pouvoir du diable. Jésus dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc ce monde entier est sous l'autorité, l'influence, l'action, la puissance du diable. Et c'est pour ça que Jésus, la première chose qu'il va dire quand il commence sa mission, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le règne de Dieu vient. » Et il vient confronter le règne du diable. Et votre part à vous maintenant, c'est de vous repentir pour renoncer à tout ce que ce territoire vous offre, pour changer de territoire et venir maintenant dans le royaume de Dieu, parce qu'il s'est approché. Quand on est dans le territoire du diable, on a accès à tous ses bénéfices. Le plaisir, la liberté de faire ce qu'on veut, la gloire qu'il nous promet. Tout est fait pour nous séduire, pour nous attirer. C'est le chemin de la facilité. Il n'y a aucun effort à faire, ça glisse tout seul. Et il a cherché à séduire Jésus, à l'amener sur son territoire, en lui promettant, quand il est apparu à Jésus, il dit « Tu vois, tous les royaumes de la terre, ils sont à moi, je les donne à qui je veux. Je te donnerai toute leur gloire si tu m'adores. » Il a cherché à faire un pacte, parce que c'est ce que le diable fait avec chaque être humain. « Regarde, ça c'est bon, viens, et hop, tu es à moi. » Et donc changer de territoire, c'est être prêt à renoncer à tous les gains, à tous les plaisirs, à toutes les séductions que ce monde nous offre. C'est tous les crochets par lesquels on est bloqué, dépendant, incapable de venir à Jésus parce qu'on a un crochet. Ah oui, mais ça je ne peux pas perdre, ah mais ça je ne veux pas, ah mais mon petit copain, ah mais ma petite copine, ah mais ma passion, ma musique, ah mais mon rêve de mon travail, de ceci, de cela. Ah, mais si je viens à Jésus, ma famille, elle va me rejeter, mon père, il ne va pas comprendre, ceci, cela. C'est quoi le crochet? Est-ce qu'on n'est pas prêt à perdre tous les gains qu'on a dans le territoire du diable? Mais dans le territoire du diable aussi, le diable est libre de venir faire ce que lui, il fait, c'est-à-dire nous oppresser, nous détruire, nous ruiner. Et là, c'est la crainte, on n'a pas la paix, souvent l'addiction, parfois la dépression, et on va comme ça. De fausses solutions en fausses solutions. Et Jésus est là, il est venu, il a amené le royaume de Dieu et il dit maintenant, repentez-vous, sortez de ce territoire et venez dans le territoire de Dieu. Renoncez à vous-même, renoncez à tout ce que ce monde peut vous offrir et venez à moi, dans mon territoire, le royaume de Dieu. Et là, je vous guérirai, je vous délivrerai, je pardonnerai vos péchés, je vous donnerai la paix avec Dieu. Je mettrai mon esprit en vous, je changerai votre cœur, vous aurez de nouveaux désirs et je vous donnerai une espérance et un avenir et la promesse de la vie éternelle. Et l'appel pour moi ce soir, c'est le même. Venez à Jésus-Christ. Ne venez pas à un pasteur. Un pasteur ne peut pas pardonner vos péchés. Ne venez pas à une église. Une église ne peut pas vous sauver. Ne venez pas à une religion. La religion ne peut pas vous donner la paix. Venez à Jésus-Christ. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Alors nous allons prier. Et pour ceux qui disent, oui Daniel, j'ai besoin de venir à Jésus. Je veux le suivre, je veux changer de territoire, je veux renoncer au péché, je veux lui donner toute ma vie. Alors on va prier ensemble. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jacques ? Dans son épître, chapitre 5, verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, délivrés. » Et c'est ce qu'on va vivre ce soir. Nous allons confesser nos péchés à Dieu et on va prier afin que nous puissions recevoir la guérison et la délivrance de Dieu. Et s'il y a un démon dans votre vie, alors nous allons le chasser au nom de Jésus. Dans le livre des Actes, c'est Paul qui vient à Éphèse, donc, et prie, et beaucoup de personnes sont délivrées de démons. Et on lit dans le récit, « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, qui est une somme énorme et faramineuse. » Et donc on voit bien que là, il y a cette dimension de confesser à Dieu ce qu'on a fait. Alors qu'on confesse, les choses qui étaient cachées, on les amène à la lumière et on les donne à Dieu. Et là, le sang de Jésus vient. Et parce qu'il a coulé et qu'il a payé pour tout ce qu'on a fait, nous sommes pardonnés et purifiés de ces choses. Et les portes qu'on avait ouvertes, qui étaient des accès pour des démons, d'un seul coup, sont refermées. Et le démon peut être chassé. Et le diable n'a plus de droit sur nos vies. Alors peut-être certains vous dites, mais oui Daniel, mais peut-être que j'ai fait des choses dans ma vie qui ont pu ouvrir des portes, et peut-être qu'effectivement j'aurais besoin de délivrance, peut-être qu'il y a un démon dans ma vie. Mais j'ai peur de manifester un démon devant tout le monde, c'est trop humiliant. Alors c'est vrai que d'une certaine manière, ça humilie notre orgueil. Mais je voudrais vous dire, la véritable humiliation, c'est celle que Jésus a vécue pour que nous puissions être sauvés. Jésus s'est humilié pour nous, pour que nous puissions être pardonnés et délivrés. Il s'est retrouvé nu, cloué sur une croix devant la foule qui se moquait de lui. Lui qui était le Fils de Dieu, qui était assis dans la gloire, adoré par tous les anges, est venu et né comme un simple homme pour mourir sur une croix, moqué par les hommes. Par amour pour toi, par amour pour moi. Alors tu peux sauver ta réputation, parce que tu ne veux pas avoir honte devant tes amis, mais la véritable honte, ce serait d'avoir vraiment besoin de délivrance et de ne pas la recevoir pour sauver sa réputation. Alors ne te soucie pas de ce que les autres peuvent penser de toi. Ne te soucie pas d'être jugé par les autres. Mais soucie-toi de ce que Dieu pense de toi. Soucie-toi du jugement de Dieu, pas de celui des hommes. Et la vérité, c'est que nous sommes tous égaux face au péché et aux démons. Et nous devons tous nous humilier pour recevoir le salut et la délivrance. C'est le chemin vers Jésus. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, c'est intéressant. La première personne à qui Jésus est apparu, vous savez qui c'est? C'est Marie-Madeleine. Et il est écrit d'elle, Marie-Madeleine, celle de qui Jésus avait chassé 7 démons. Et en plus, c'est marqué dans la Bible pour que toutes les générations puissent le lire. Alors ce soir, tous ceux qui vont être délivrés, on va le marquer dans le bulletin de l'Église pour que tout le monde... Mais pour autant, ce qu'elle a vécu, c'est à elle que Jésus vient se révéler en premier. La Bible dit que celui qui s'abaisse devant Dieu, Dieu l'élèvera. Si on s'humilie devant Dieu, Dieu nous élèvera en son temps. Le diable fait l'inverse. Je vais te donner le pouvoir, je vais te donner la puissance. Les gens, ils vont t'aimer, ils vont te dire « Ah, mais c'est super ce que tu fais ». Le diable nous élève pour nous détruire. Alors que Dieu nous dit « Non, humilie-toi, perds ta vie ». Humilie-toi devant moi et moi je vais t'élever. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Jésus dit, celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Mais celui qui veut sauver sa vie dans ce monde la perdra. Alors ce soir on veut tout perdre pour gagner Jésus-Christ. C'est trop important pour se laisser retenir en arrière par des craintes, par des pensées, par ceci, cela. C'est un temps aussi important, on veut se mettre devant Jésus. Il est là au milieu de nous par son esprit. Alors ne retenez rien. Ne retenez rien, lâchez les craintes, les peurs de ceci, les peurs de cela, parce que c'est un moment qu'on peut vivre tous ensemble, égaux, dépendant de la grâce, dépendant de la miséricorde de Dieu. Comme mon épouse qui pourrait dire comme Marie-Madeleine, dont le Seigneur a chassé au moins cet esprit. On est tous égaux, on a tous besoin d'être sauvés, on a tous besoin d'être guéris et délivrés. Mais peut-être que on n'a pas tous besoin maintenant d'être délivrés d'un démon, en particulier. Mais peut-être que pendant le message, le Saint-Esprit a mis le doigt sur un ou plusieurs péchés dans ta vie et le Seigneur t'appelle à y renoncer afin que tu sois pardonné et qu'il puisse te donner sa paix et te remplir de sa vie. Peut-être que tu réalises que tu vis en étant dans le mauvais territoire et que la vie de Jésus n'est pas en toi. Tu te sens vide, sans espérance. Et Jésus nous appelle ce soir à peut-être renouveler notre engagement, à faire confiance en Dieu pour lui confier toute notre vie. S'il nous appelle à nous repentir, s'il nous appelle à nous humilier, à renoncer, c'est parce qu'il veut nous guérir, nous délivrer, nous sauver, nous remplir de sa vie, parce qu'il a des projets pour toi. Comme il le dit par le prophète Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors oui, le Seigneur Jésus t'appelle à venir à lui de tout ton cœur. Il veut faire de toi son disciple, il veut te remplir de son esprit et t'envoyer annoncer aux autres la bonne nouvelle du royaume de Dieu, à tous ceux qui vivent encore, esclaves du péché et esclaves du diable. Et je vais terminer avec ceci. Si je peux avoir, can I have two tissues, please? Alors, on va prendre maintenant ce temps de prière. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de pression. Si vous êtes prêt et que c'est dans votre cœur une réponse qui dit « Oui, je veux venir à Jésus maintenant, dans la repentance pour confesser mes péchés et recevoir la délivrance que j'aurai besoin. » L'apôtre Jacques dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. » Voilà les trois étapes. La première, se soumettre à Dieu. La deuxième, résister au diable. Et la troisième, il s'enfuit. Se soumettre à Dieu, c'est d'abord venir confesser ses péchés, reconnaître là où on a été sur le territoire de l'ennemi et revenir à Dieu, selon ses termes, dans l'humilité. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va résister ensemble au diable. Et il va y avoir un temps aussi de prière d'autorité et le diable devra fuir. D'accord ? Pendant la prière, donc, nous allons confesser notre foi en Jésus, demander pardon pour les péchés que nous avons commis et qui ont pu ouvrir des portes au diable et à ses démons, pour être pardonné et pour refermer ces portes. On va juste prendre ce chant et après je vais démarrer la prière. Seigneur, on veut se remettre devant toi, tel que nous sommes, Seigneur, tous dépendants de la grâce, tous ayant besoin de ta miséricorde. Alors oui, nous venons à toi, Seigneur Jésus, ce soir. Je veux élever ton nom au-dessus de tout nom dans ce lieu et accueillir ton esprit au milieu de nous. Seigneur, je prie que ton nom soit sanctifié au milieu de nous et dans nos cœurs et dans nos vies. Et que ton règne vienne dans cette salle, dans ce lieu maintenant. Et que ta volonté soit faite, ici maintenant comme dans le ciel. Je prie que tu nous donnes maintenant la portion de nourriture de ta parole, de ta grâce dont nous avons besoin. Je prie que tu nous pardonnes nos péchés, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont fait du mal. Père, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toi l'honneur.